c'est la fin de la soirée. Oh là là. Oh là là. Toute l'équipe et le disque jockey. Disque jockey. Espère que vous avez passé une nuit absolument fantastique. Fantastique. C'est définitivement la fin. La fin. Des décibels. Décibels. Dommage, dommage. Les digital delays, les platines, les magnétos, la sonorisation, les micros. Ah oui, oui, oui, les micros. Se joignent à la table de mixage. Mixage. Pour vous souhaiter une bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.